dans ta force, dans ta force. P6K, SOS Production, on reste des combattants. Le président, le changement c'est maintenant. Y'a plus de militants. Heureusement, on reste des résistants. Enfin j'y suis, deuxième stade de l'évolution. Je retourne vos acquis et je remets tout en question. Sans bastion ni baston, spirituel est ma révolution. Je remets en cause vos principes et vos notions. Notion de race, notion du temps, notion des valeurs, éducation des enfants. J'ai brisé vos chaînes, je suis libre comme le vent. Je glorifie l'échange, pas de respect pour l'argent. Même quand celui-ci est durement gagné, il est inclus dans le système qui vous a cassé. Il est la cause des crimes, des vols, des meurtriers, des guerres, des génocides organisés par les banquiers. Appelez-moi utopiste si ça vous fait plaisir. Vous vivez dans le passé, moi je représente l'avenir. Ne crois pas que j'hésite à me remettre en cause. Le changement perpétuel est la base de toute chose. Malgré leur pessimiste, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Ils comprennent rien, ils pensent qu'ils ont le temps. Hey président, le changement c'est maintenant. Malgré leur pessimiste, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Chez les MC, y'a plus de militants. Mais heureusement qu'on reste résistants. Dans cette société, prisonnière du paraître, j'ai injecté la science dans le cœur de mes lettres. N'écoute pas les enfoirés, tu n'as pas toute la vie. Leur message est faussé d'entrée car il est mal écrit. La bêtise divise, réunir est ma devise. Stupide comme croire que le pays est en crise. Éradiquer la pauvreté, la solution existe. Prendre l'argent aux milliardaires, sur ce point j'insiste. Le racisme, la haine, le mépris, l'indifférence, la méchanceté, la peur de l'autre, c'est l'ignorance. Ma plume est inspirée par les astres et les étoiles. Pense par toi-même, mets un voile sur la toile. Idem à l'anarchiste, je n'ai ni Dieu ni maître. Aucun individu ne pourra contrôler mon être. Ils sont tous enchaînés, prisonniers de la haine. Ils veulent du respect, ils n'en ont pas pour eux-mêmes. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Ils comprennent rien, ils pensent qu'ils ont le temps. Hey président, le changement c'est maintenant. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Chez les MC, y'a plus de militants. Mais heureusement qu'on reste des résistants. Demain sera construit par les nouvelles générations. Le secret de l'harmonie se trouve dans l'éducation. Il faut enseigner le respect, le savoir, la paix, sans faire de distinction, sans la moindre compétition. Enseigner le partage, on n'est pas un moment cash. Fermons les prisons, ouvrons les horizons. Tu as volé, pour ta victime tu dois taffer. Tu as mis le feu, va faire un stage chez les grands brûlés. Dans les assauts de femmes qui se font frapper, seul violeur et tueur reste enfermé et traité. L'argent réinjecté pour soigner les camés, tous considérés et la boucle est bouclée. Mais pour ça il faudrait une justice impartiale, pas comme le juge Burgot, insensible à la cour martiale. Appliquant la tolérance zéro sur la corruption, il provoque les problèmes, je ramène les solutions. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Ils comprennent rien, ils pensent qu'ils ont le temps. Hey président, le changement c'est maintenant. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Chez les MC, y'a plus de militants. Mais heureusement qu'on reste des résistants. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Ils comprennent rien, ils pensent qu'ils ont le temps. Hey président, le changement c'est maintenant. Malgré leur pessimisme, on reste combattant. Je t'en laisse la parano, je suis loin devant. Chez les MC, y'a plus de militants. Mais heureusement qu'on reste des résistants.